créé une collection qui m'est propre, une collection que je pourrais porter au quotidien. Dans la musique, j'offre un produit achevé, donc terminé, à consommer tel quel. Dans la mode, c'est un peu différent parce que on propose plusieurs produits au client pour lui donner l'opportunité de devenir son propre designer. Travailler avec Dajou, pour moi, c'était comme travailler avec Jean-Paul Gaultier ou John Galliano. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui a une intelligence incomparable sur un métier dans lequel il veut aller. Il a un avis extrêmement pointu dans la création. Dajou, j'ai vraiment rencontré un artiste global, un homme qui a beaucoup de charisme, qui aujourd'hui a une vision de la mode ultra pointue et qui s'adresse à tout le monde. Et j'ai été vraiment impressionné par tout le professionnalisme qu'il y a à travers bien sûr les réunions de travail, le fait de s'entourer d'une très belle équipe, une collection qui lui correspond complètement, c'est comme ça qu'il l'a voulu. Username, c'est très égoïste comme réponse, mais ça s'adresse d'abord à moi. Et par la suite, j'ai réfléchi de manière plus inclusive pour que tout le monde puisse porter justement cette collection, tout le monde puisse se reconnaître dedans, que ce soit ma femme, que ce soit ma mère, que ce soit mes proches, mon entourage, que chacun puisse créer son style. En fait, dans cette marque Username, il y a en même temps le signe d'une vraie marque de mode, mais en même temps une liberté que probablement certaines marques de mode ne peuvent pas avoir. Parce que c'est justement une marque qui vient d'autre part. Elle vient de la musique. I need to know everything. Who in the what and the where I need everything. Travailler avec Dajou, c'est vraiment une relation humaine assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui est très, très sérieux, qui est très impliqué. Il a un niveau d'exigence dans chaque détail. C'est vrai que je suis quand même assez pointilleux sur les détails. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu travailler avec une vraie équipe, une équipe confirmée. Pour moi, ce projet, ça a été beaucoup de plaisir. Et on voit dans le résultat final à quel point c'est un travail d'intelligence collective. Pour avoir organisé et fait beaucoup de défilés, là, je dirais que la mise en scène de Username s'est faite d'une façon très avant-garde, très nouvelle. Je suis vraiment content de ce qu'on a produit pendant cette performance. On a des conteneurs qui sont ancrés dans le sol. C'est très déstructuré, mais en fait, tout a été mis en place minutieusement pour refléter cette image de Username. On parle plus d'une performance artistique dans laquelle il y a une rencontre entre plusieurs acteurs, des gens de la musique, des gens de la danse, des mannequins célèbres, des amis de Dajou. Donc vraiment une performance qui était beaucoup plus qu'un défilé, qui nous a permis vraiment de montrer le côté corporation finalement de Username. Pendant ce défilé, on les voit s'aider à monter sur les conteneurs parce que c'est aussi ce que représente la marque. Ah, cet esprit de camaraderie aussi qui est très présente sur le show. Si je pense au chemin de tout ce projet, c'est vraiment une vraie symbiose de travail et une capacité à échanger à tout moment, une exigence, mais de groupe. Username, c'est plus qu'une camaraderie, c'est une corporation. Je suis vraiment, vraiment content de bosser avec mon équipe actuelle et de toujours apprendre et connaître de nouvelles choses à chaque fois parce que je cherche vraiment à être impliqué dans chaque détail de chaque étape de la confection de la collection. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything.